Conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « Les mystères de la chevalerie planétaire ». Pour les personnes intéressées au séminaire, je veux vous mentionner qu'on a changé les dates. Le prochain séminaire aura lieu le 28 et 29 octobre prochain. Comme vous le savez, les cassettes de l'enregistrement audio de la conférence sont disponibles à la fin de la première partie. Les mystères de la chevalerie planétaire. On va essayer de répondre aux questions qui sont marquées là pour commencer. On aura deux semaines. Je vais vous lire le texte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On dit que depuis l'aube des temps, une chevalerie planétaire a toujours veillé aux intérêts de l'humanité. Elle s'est exprimée à travers différents ordres, comme les Templiers, les Chevaliers de la Table Ronde, etc. Bien que plus occulte que connue, cette chevalerie prend de l'ampleur pendant les périodes involutives de la planète, puis se retire pendant les périodes évolutives. Donc, quelles seront les prochaines fonctions de cette chevalerie? Il y a un paquet de questions, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'était les Templiers puis l'ordre de la Table Ronde. Les Templiers. Les Templiers, c'est un ordre de chevalerie. Est-ce qu'il y a une relation entre les Templiers, la Table Ronde et la franc-maçonnerie? Il y a une relation entre ces ordres et entre plusieurs autres ordres qui ont existé avant et qui ont existé après et qui ont existé pendant. Les Templiers, c'est un ordre relativement connu dans certains domaines. C'est l'un des ordres qui a été les plus connus sur la planète. Beaucoup plus que la franc-maçonnerie, du point de vue de certains romans. L'ordre du Temple, c'est un ordre de personnages, normalement de riches aristocrates, qui, à un moment donné, donnaient tout ce qu'ils avaient à l'ordre du Temple, et qui, par la suite, vivaient dans des temples. Ils ont appris à construire certains temples, quoique c'est surtout les francs-maçons qui étaient les faiseurs de cathédrales et de temples. Et ils vivaient dans des châteaux, les Templiers, ils vivaient dans des châteaux cathédrale, ça c'était donc un ordre militaire de moines. Et leur première fonction, outre l'évolution dans le domaine de l'occulte, était de préserver la vie des pèlerins en Terre Sainte. Mais c'était donc religieux, c'était un ordre religieux? Religieux, oui, dans le sens religare, c'est-à-dire se relier à Dieu ou se relier à une source d'information, donc à une source d'intelligence. Est-ce que c'est le Dieu du monde de la mort ou l'autre Dieu? Les Templiers se sont divisés en plusieurs factions, dont l'une adorait Jean le Baptiste et l'autre adorait le Christ. Une partie des Templiers adorait aussi Marie, Notre-Dame, comme ils l'appelaient, qui était la grande protectrice des Templiers. Les Templiers, étant donné que la majorité des Templiers étaient des aristocrates et des princes relativement riches, nécessairement, l'ordre du Temple est devenu extrêmement riche. Par contre, dans l'évolution de leur technique de combat, l'ordre du Temple a développé certaines façon de se battre, qui a fait part rapidement à différents rois et à différents papes. En l'occurrence, ils n'avaient qu'à présenter leur bouclier devant des ennemis pour que ceux-ci se retrouvent les quatre fers en l'air en bas de leur cheval. Qu'est-ce qu'il y avait leur bouclier de spécial? Ils étaient rétropulseurs. C'est-à-dire que les boucliers avaient été bâtis à partir d'un certain rituel, comme on fabriquait aussi les katanas, les sabres de certains samouraïs, à partir d'un rituel extrêmement occulte relié à des forces belzébuciennes, donc relié à des forces que Merlin a déjà contrôlées lorsqu'il a créé Excalibur, qui va donner par la suite naissance aux chevaliers de la Table Ronde. Et ces boucliers avaient la capacité d'émettre suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir rejeter en arrière, ce que l'Ordre du Temple appelait le mal. Donc, nécessairement, ceux qui s'attaquaient à l'Ordre du Temple étaient, pour l'Ordre du Temple, le mal. Les chevaux pouvaient continuer à galoper, mais le mal était rejeté. Nécessairement, ceux qui véhiculaient le mal, les ennemis, se retrouvaient à terre. C'était très insultant pour eux autres, d'ailleurs. L'Ordre du Temple a été détruite par les papes, par la Sainte Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrôlaient plus leur puissance? Non. Parce que l'ordre du Temple faisait peur, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, si vous guérissez vos voisins avec la Bible sous le bras, pas de problème, c'est Dieu qui vous dirige. Si vous n'avez pas la Bible, c'est évident, c'est le diable. L'ordre du Temple, ayant ses propres rituels, ses propres messes, ses propres niveaux d'initiation, a fait peur à l'Empire, c'est-à-dire qu'il a fait peur aux rois de l'époque, les rois de l'Angleterre, les rois de la France surtout. Il a fait peur au pape. Premièrement, les rois avaient tellement peur de la chevalerie du temple qu'ils ont réussi à convaincre la majorité des princes de l'époque et même le pape qu'à un moment donné, les Templiers pouvaient prendre le contrôle de toute l'Europe et finalement s'étendre et dominer le monde. C'était sans doute d'ailleurs, selon eux, l'objectif même de l'ordre du temple. Mais est-ce que c'était l'objectif de l'ordre du temple? Ou lorsque le roi et le pape ont exigé que les Templiers rendent les armes, tous les Templiers ont baissé les armes, ont jeté leurs armes à terre et ils ont dit on ne peut pas se battre contre le pape lui-même alors que notre première fonction est de protéger la chrétienté. La majorité ont été brûlés sur le bûcher. Et lorsque le chef des Templiers de l'époque est mort sur le bûcher, il a maudit pour 13 générations le roi. Et les générations qui ont suivi étaient des générations qui avaient des problèmes psychologiques, problèmes psychiatriques, problèmes d'anémie, problèmes d'hémophilie. La 14e génération est intéressante. Est-ce que c'est l'ordre des Templiers est arrivé avant les chevaliers de la Table Ronde ou après? Entre les deux. Ce qui veut dire... La Table Ronde, c'est une unité particulière. Pour la première fois, des êtres, des chevaliers, qui provenaient de différentes régions d'un pays, l'Angleterre, qui à l'époque était totalement divisée. Mais l'Angleterre n'a jamais été une nation totalement unie. On peut le voir aujourd'hui avec l'Irlande et l'Écosse, les combats qu'il y a eu entre l'Écosse et les Anglais pendant longtemps. L'Angleterre, même de l'époque, n'était pas unie. C'était une île, mais une île plafonnée, une île relativement ésotérique, une île mystique. Une île où devait se forger l'essence même de ce qui serait la nation qui dominerait le monde vers une transition majeure entre la race blanche et la race bleue. L'Angleterre a accompli sa tâche, elle a enfanté les États-Unis d'Amérique. À l'époque, la table ronde se réunissait autour de ce phénomène, de cette table, des individus qui, d'origine, n'auraient jamais pu s'asseoir ensemble. Ils avaient été unis par... Premièrement, l'idéologie même de la chevalerie, c'est-à-dire la recherche de l'évolution, représentée par cette chevalerie sous le signe du Graal, la quête du Graal qui était la coupe dans laquelle avait été ramassé le sang du Nazaréen lorsque la lance de Longinus l'avait percée. Et l'autre facteur qui a unifié ces chevaliers, outre le facteur même de l'initiation, de l'évolution, c'est-à-dire de... Parce que la chevalerie était de l'alchimie. L'alchimiste prenait du plomb, faisait de l'or, voulait faire de l'homme une initiation solaire, donc de la lumière pure, rendre luminescent à la matière. La chevalerie, c'est l'épée. L'épée qui est un symbole extrêmement matériel, qui est le haut tranché sur un horizontal, qui symbolise le passif, qui est une unité avec deux finalités. C'est-à-dire que lorsque, en ésotérisme, on va écrire, on prend un crayon, on fait un point. Le point est le principe actif. Rien ne peut être écrit ou dessiné s'il n'y a pas un point au départ, si le crayon ne touche pas le papier. Si on fait un trait par la suite, ce qui découle du point est nécessairement une ligne qui aura comme terminaison deux points, qu'on la fasse courbe ou qu'on la fasse droite. La barre est donc le symbole du passif. Le passif positif sur le passif négatif, dans l'idée de l'alchimie, engendre la matière. C'est quatre points ou un quatre barres qui va être un carré, qui est la matière, les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, supportés par l'homme. Dans l'alchimie de la chevalerie, on retrouve donc la barre verticale qui va être l'intelligence ou Dieu et qui est tranchée par la barre horizontale qui est l'homme. Dans une configuration où on retourne l'épée, lorsque la barre horizontale est très haute, Dieu contrôle l'homme. Dans l'autre côté, où c'est l'inverse, ça devient une épée, c'est l'homme qui contrôle Dieu. La chevalerie essayait par tous les moyens, et les moyens étaient, comme d'ailleurs les samouraïs l'avaient fait, ce qui était la chevalerie japonaise, de l'époque des shoguns, de transformer l'expérience de vie dans une expérience de transformation, d'alchimisation, de mutation, donc dans une expérience d'évolution. C'est-à-dire que le chevalier, le guerrier, essayait de retrouver les principes même de l'application de sa puissance ou du pouvoir sur le monde dans le but de pouvoir découvrir ses pires ennemis lui-même et ce qui lui permettait de contrôler sa peur, un de ses ennemis, sa colère, un de ses ennemis, sa vengeance, un de ses ennemis, enfin bref, ce que les religions, les moines, etc. ont essayé de dominer pendant longtemps, ils ne sont pas tellement parvenus. La chevalerie essaie par le contrôle d'un art martial, l'épée entre autres, ou encore le fléau d'armes ou ces choses-là au niveau de la chevalerie européenne, de trouver des moyens de faire un parallèle entre contrôler l'extérieur et ce qui devrait se faire à l'intérieur de la conscience de l'humain, contrôler l'intérieur. Les chevaliers de la table ronde étaient donc nécessairement des moines, c'est-à-dire qu'ils recherchaient le Graal, le sang du Christ, un réceptacle planétaire d'une intelligence extraterrestre, d'une intelligence christique, supramentale, d'une intelligence divine. Les templiers, c'est la même chose, ce sont des moines chevaliers, et la majorité des ordres chevalières étaient des ordres de moines chevaliers. Si on parle des teutons, c'était des moines chevaliers, et on peut nommer des ordres de chevalerie, ils ont toujours été des ordres religieux à caractère initiatique. C'est-à-dire qu'il y avait, premièrement, tu as celui qui va servir le chevalier, tu as celui qui va habiller le chevalier, tu as un paquet d'individus qui vont tourner autour de l'ordre de la chevalerie, ce sont donc des personnes qui peuvent être un jour initiées à devenir chevalier. Lorsque l'être humain devient chevalier, il y a différents ordres, différentes forces dans la chevalerie, et nécessairement, il y aura différents emblèmes. Si tu adhères à un ordre monastique de chevalerie, donc un ordre comme les Templiers, ou encore l'ordre des chevaliers de la Table Ronde, nécessairement, il y avait là différentes phases d'initiation où l'individu, outre le contrôle des armes, devait contrôler différentes puissances qui, selon eux, habitaient l'humain. Il devait être capable de parler aux forces du mal, le temple, comme les chevaliers de la table ronde. Cela voulait dire être capable de contrôler Satan et, selon eux, comme le Christ l'avait fait dans le désert. Il devait être capable de rejeter ce qu'il y avait de pire chez eux pour mettre leur épée et leur sang. L'épée étant toujours le symbole du contact entre l'intelligence et l'homme, donc remettre leur intelligence et leur vie, le sang, leur âme, le système hormonal, donc ce qui exprime l'âme chez l'humain, au service de leur roi, ou mieux, au service de la justice. Mais est-ce que les batailles pour aller accaparer du territoire, c'était intelligent? Laisse battre ces chevaliers-là? Non. Ce qui arrive, c'est que lorsque l'on commence quelque chose, il y a nécessairement, à un moment donné, une scission qui se fait. Il y a ceux qui, vibratoirement, vont se réunir dans un ordre de chevalerie, et il y a ceux qui, collectivement, sont attirés par l'ordre de la chevalerie, et il y a ceux qui, comme aujourd'hui, rentrent dans les forces armées, parce que entre le bien-être social et les forces armées, tu préfères les forces armées. Alors, à l'époque, c'est un peu la même chose. Il y avait des individus qui pénétraient, qui entraient dans les ordres uniquement parce qu'ils n'avaient pas le choix, ou simplement dans le but de se battre. C'est que dans le total de la chevalerie, tu avais de tous les niveaux. Sauf que ceux qui rentraient dans le but de se battre n'arrivaient jamais à atteindre des strates aristocratiques de chevalerie. Et nécessairement, frustration cumulée, ils finissaient par se diviser de certains ordres et engendraient des sectes d'ordre de chevalerie. Alors, ils partaient avec les mêmes idées, mais étant donné qu'on n'avait pas su reconnaître sa valeur, ils se plaçaient à la tête de l'ordre qu'ils mettaient au monde. Alors, tous ceux qui suivaient, hiérarchiquement, se ramassaient beaucoup plus haut, plus rapidement. Et nécessairement, c'était eux le vrai ordre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Lentement, ces personnages... De toute façon, les chevaleries avaient suffisamment d'argent. Lentement, ces personnages arrivaient à s'approprier des territoires, soit par transmission héréditaire, par legs testamentaires, ou simplement parce que le roi leur donnait un fief. Et il se servait de ses chevaliers pour défendre son territoire, ce qui était logique à l'époque. Mais étant donné que ces personnes ne vivaient pas pour une évolution vraiment spirituelle, ou du moins intelligente, mais il y a l'évolution matérielle, spirituelle et de conscience. Lorsque l'évolution matérielle s'arrête à un certain niveau, tu amènes tes chevaliers qui sont à ce niveau-là, et maintenant, tu commences à imposer de plus en plus tes terres. Le chevalier doit préserver les paysans contre les agressions extérieures. Ça veut dire contre les loups, contre les sangliers, contre les cerfs, et nécessairement contre les uns et les autres, différents personnages qui peuvent attaquer. Le château doit servir comme une forteresse, comme les forts. Il doit servir à réunir tous les paysans en cas d'agression. Il y a des champs à l'intérieur, etc. Et les chevaliers servent à protéger le peuple. Mais graduellement, étant donné que les peuples belligérants évoluaient ou avaient été matés par les chevaliers, génération en génération, il vient un temps où l'essence même de la chevalerie, le combat, est perdue. C'est-à-dire que le chevalier ne peut plus aller se battre parce qu'il n'y a plus de guerre. Et c'est comme dans n'importe quelle société, si tu n'as pas de guerre, tu crées des problèmes internes. L'humain a besoin de la guerre. La guerre est l'un des facteurs les plus intéressants pour faire évoluer un humain. Tant que l'humain n'a pas de raison intelligente d'avancer. Lorsque l'humain a une raison intelligente d'avancer, ce qui est en train de se développer dans la nouvelle chevalerie, une raison intelligente d'avancer où la guerre ne fait pas partie inhérente de ton feu initiatique. Alors qu'à l'époque, lorsqu'on a créé les chevaleries, c'est qu'il y avait des problèmes, et au lieu de tuer inutilement, on finit par codifier l'art de tuer, et on s'arrange pour prendre les plus sécurisants dans l'évolution de la société. Eux vont former des militaires qui vont avoir un ordre, un code d'honneur dans le combat, ce qui va permettre de rendre plus civilisée la guerre. Ce qui a toujours été recherché par les pacifistes. Mais ils se battaient toujours au nom de Dieu. Ils se battaient toujours, la majorité des ordres ne se battaient pas au nom de Dieu, se battaient au nom de la paix et de la justice. L'idée même de sauver la veuve et l'orphelin, ce n'est pas un facteur divin, c'est un facteur d'intelligence. La veuve, on s'en fout, mais ce qui arrive, c'est que normalement, le mâle devait avoir connotation animale, le privilège, quand c'est devenu civilisé, ou l'obligation, quand c'est encore animal, de préserver la femelle et les enfants. Lorsqu'une femme n'a plus de mâle, donc lorsqu'elle est veuve, elle n'a théoriquement plus de protecteur, surtout qu'à l'époque, on ne se faisait pas encore l'idée d'une femme guerrière. Il y en a eu des femmes guerrières. Jeanne d'Arc, d'ailleurs, elle en a souffert en masse, mais il y en a eu d'autres qu'elle. Alors, les chevaliers devaient protéger. Ils ne se battaient pas tous au nom de Dieu. Les croisés, un ordre de chevalerie qui est apparu par la suite, les croisés, eux, se battaient au nom de Dieu. Et c'est ce qui engendrait ce qu'on appelait les croisades, qui ont découlé rapidement en pillage. Et les croisés se sont retirés des dernières croisades. Mais l'histoire parle encore des croisades. L'ordre du Temple, comme l'ordre de la Table ronde, les croisés, ce n'est pas intéressant d'en parler, c'est un ordre sectaire qui découle de différents ordres initiatiques. Ce qui va arriver à un moment donné, donc, c'est que lorsque tu ne passes pas différentes initiations ou lorsqu'on te dit « Non, toi, tu vas rester là », eh bien, tu t'en vas avec plusieurs personnes, tu sidatises, c'est-à-dire que tu sécrètes contre les individus et tu pars ton propre ordre. Lentement, cela va engendrer des guerres entre différents ordres. Mais à peu près jamais les ordres primaires vont se battre contre les autres parce que les autres ne les agressent pas. Premièrement, ils s'en servent comme source d'énergie. Et deuxièmement, ils perdraient leur combat contre. Mais cela va engendrer des ordres de chevalerie qui finalement deviennent un peu comme on en entend parler dans l'idée de Robin des Bois, qui comme tel n'a jamais existé alors que l'époque où il vit, l'époque de Richard Cœur de Lion a existé. On parle du Prince Noir, qui est le Prince Jean, Prince Noir, qui finalement, lui, avait des chevaliers qui ne servaient qu'à augmenter les impôts, qu'à piller les individus. Pourquoi? Parce que perdant ce qui supportait même l'ordre de la chevalerie, le combat, à un moment donné, tu n'as plus le choix, tu vas simplement continuer à te battre en transformant la puissance et la quête de l'évolution en pouvoir et quête finalement de puissance humaine, donc de pouvoir, d'argent. Les chevaliers voulant conserver leur château fort, nécessairement avaient besoin d'argent. Il fallait que les rois paient les chevaliers. Alors les chevaliers, sans trop de problèmes, allaient simplement piller les paysans. Et à un moment donné, il fallait inventer des chevaliers qui défendaient les paysans contre les châteaux forts, les forteresses, dans lesquelles vivaient d'autres chevaliers. Et il y a eu pendant longtemps des conflits entre des chevaliers noirs et des chevaliers blancs, c'est-à-dire ceux qui continuaient à considérer que l'humain méritait qu'on se batte pour lui, et nécessairement se battaient contre ceux qui considéraient que l'humain était simplement des serviteurs qui devaient travailler pour la chevalerie. C'était des sortes de guerres civiles plus que des guerres... Des guerres serviles, souvent. Qui a créé les Templiers, l'ordre de la Table ronde? Est-ce que c'est le même que créé la franc-maçonnerie? Non. Et oui. Humainement parlant, Christian Rosenkreuz va engendrer une forme de chevalerie qui va porter le nom de Rose-Croix. Christian Rosenkreuz va aussi engendrer sous un autre nom l'ordre de la franc-maçonnerie. À partir du point de vue d'Hiram Abiff, constructeur et architecte du Temple de Salomon, et ça va se diriger jusqu'à les Freemasons, les francs-maçons, les fils de l'homme libre. Lui étant un homme libre, ceux qu'il va initier devraient être des fils, ses fils. On parle du point de vue énergétique, fils de l'homme libre, Freemasons, francs-maçons. Les Templiers vont être engendrés aussi par Lazare, finalement. Christian Rosenkreuz, Hiram Abiff, comte de Saint-Germain. Les chevaliers de la Table ronde vont être engendrés par une effusion michaélienne. Ça ne sera pas engendré par une mécanique lazarienne. C'est promesse qui a été faite par une essence michaélienne à l'époque à une essence azaréenne en Limurie. On en a déjà parlé un peu à un moment donné. Les Templiers, ce qui est intéressant des Templiers, c'est qu'ils ont cumulé un trésor formidablement génial. Et ce trésor, lorsqu'ils ont été brûlés, le chef des Templiers a dit que ce trésor serait caché dans un endroit où jamais un humain n'oserait aller voir ou ne penserait aller voir. J'ai déjà entendu que c'était au Québec. Oui, c'est au Québec. C'est dans les montagnes Chic-Choc, proche du lac Notre-Dame, qui était la mère protectrice des Templiers. Mais il y a différentes façons de vérifier, c'est-à-dire de gagner les montagnes Chic-Choc pour trouver ce trésor. L'individu qui y va comme un spéléologue ou comme un plongeur sous-marin ne trouvera rien. Pourquoi? Parce qu'il y a, enfin, il y a une mécanique que j'ai déjà expliquée, sur laquelle on va passer, ce sera trop long, qui préserve le trésor. Mais quiconque trouve le trésor a suffisamment de puissance monétaire pour acheter la planète, possiblement plus qu'une fois. Ce trésor n'a jamais été trouvé. On a retrouvé des trésors des Templiers qui ont permis à l'Europe de se supporter très, très, très financièrement après la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas trouvé le trésor des Templiers. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le trésor des diamants, de l'or? Ou... Des émeraudes, des diamants, de l'or, un paquet de pierres précieuses et évidemment certaines mécaniques qui permettraient à certains humains de développer certaines puissances que les imbéciles appellent des pouvoirs. Bon. Alors oublions, les Templiers, c'est une chose, c'est intéressant, c'est un ordre. Plusieurs Templiers, évidemment, vont redescendre planétairement, vont s'incarner, s'incarnent déjà à travers différents humains sur la planète. Le chevalier de la table ronde, même chose. La quête, le Graal, Perceval, c'est le seul d'ailleurs qui a réussi à trouver le Graal. Il a été suffisamment initié pour pouvoir s'en servir convenablement. Lui aussi va avoir des tendances à revenir. Tout à l'heure, je parlais du blanc et du noir. C'est une théorie qu'on a souvent, le blanc et le noir. Bon, l'obscur et l'éclairé. N'empêche que, en Angleterre, c'est l'une des dernières vraies grandes chevaleries qui est apparue. Il y a eu une autre chevalerie, le nazisme. Bon, et le nazisme, c'était le côté noir de la chevalerie. On va parler dans la prochaine. La semaine dernière, on expliquera, la semaine prochaine, oui, je suis en avance, on expliquera pourquoi la chevalerie, enfin, le nazisme a eu quelques problèmes. Alors, à un moment donné, en Angleterre, les chevaliers se battent uniquement pour préserver leur fief, préserver leur argent. Et on doit avoir une terre, un roi. Ce n'est pas faisable, comme ça se fait dans l'intelligence supramentale actuellement. La majorité de ceux qui ont un contact supramental ne sont pas capables de se sentir les uns les autres. Ils veulent être indépendants. Ils ont leur créativité à donner, qui est un phénomène de l'ego. Ils ont leur personnalité à développer. Ils veulent être sûrs qu'ils sont leur seul maître. Ils ont peur, donc, d'être assujettis à d'autres. Alors que tu es ton seul maître uniquement quand tu peux te mêler à n'importe qui tout en restant ton seul maître, pas quand tu fuis. À cette époque, les chevaliers se battaient uniquement pour conserver de la puissance. Et à un moment donné, il y a eu le roi Arthur, il y a eu Excalibur, qui était légendairement déjà connu. Mais il y a eu surtout Lancelot du Lac, qui lui était de l'armure blanche et qui a réussi à battre le roi Arthur, à briser Excalibur, qui s'est reformé par la suite. Et c'est cette mécanique qui a unifié. Autrement dit, il y a dans l'idéal de l'humain, au niveau de son évolution, il y a des forces d'involution. Et il y a des forces d'évolution. Deux ordres de chevalerie peuvent naître dans un contexte évolutionnaire planétaire. Ils peuvent être fusionnés, ce qui va arriver prochainement, dans un ordre de nouvelles formes de chevalerie, et ils peuvent être scindés, ce qui est arrivé à l'époque des Templiers, comme à l'époque d'Excalibur, c'est-à-dire des chevaliers de la Table Ronde. Première chose, il y a extinction probable de la race humaine. C'est-à-dire qu'il y a des contingences, soit extraterrestres, soit extrêmement maléfiques, intraterrestres qui ont une tendance à vouloir s'approprier l'humanité. Très bizarre de dire cela comme dans des époques reculées, mais c'est arrivé plusieurs fois. Les explosions nucléaires, on en a connu dans le passé plusieurs. Dans ce moment donné, il y a énormément de forces qui veulent conserver l'humain dans un niveau stagnant, mais qui ont besoin de l'humain pour vivre. Les forces sataniques, les forces lucifériennes, les forces melchisédienne, les forces divines, les forces égrégoriennes de n'importe quel agrégat spirituel peuvent s'unir ensemble pour préserver la race humaine s'il y a un danger massif d'extinction de la race. Donc, on peut voir naître un ordre de chevalerie qui va être capable de fusionner le noir comme le blanc. Les mauvais chevaliers vont s'associer aux bons chevaliers dans le but de se défendre contre un ennemi majeur. Est-ce que ça va former un gris ou ils vont tous devenir blancs? sa forme ni gris, ni blanc, ni noir, ça forme un ordre de chevalerie temporaire, comme on va la retrouver dans l'Union ou dans l'Alliance de l'Union des républiques socialistes soviétiques et des États-Unis d'Amérique pour se battre contre l'Allemagne. Ils sont unis temporairement contre un ennemi commun, et cela s'est vu souvent dans l'histoire de la planète. Mais les chevaliers blancs restent blancs, les chevaliers noirs restent noirs, mais ils s'unissent dans un but commun. Voilà. Autre forme de chevalerie, une chevalerie qui, par la suite, va naître dans le but de profiter de la perte temporaire d'effectifs du côté blanc comme du côté noir parce qu'ils se seront battus contre un ennemi commun. Et cette chevalerie naît avec une unique fonction, faire grimper de plusieurs crans et les blancs et les noirs. Les noirs deviennent plus gris, les blancs deviennent plus translucides. Voilà. Ça pâlit partout. Oui. Donc, deux ordres de chevalerie. La problématique, c'est que lorsque l'intelligence supramentale, et j'ai dit souvent que l'intelligence supramentale ne pouvait connaître l'amour, c'est une mécanique totalement exécutoire, et d'ailleurs, l'Allemagne s'en est servie, très exécutoire, qui a comme fonction de prendre des génétiques et de les améliorer. Qui a comme fonction unique d'améliorer les génétiques humaines de façon à ce que les races qui vont suivre puissent supporter plus d'intelligence. Intelligence supramentale. Mais il n'est pas intelligent d'aimer. Et bien souvent, l'humain qui a vécu avec une coloration de l'intelligence dans son contexte psychologique astral qu'on appelle l'intellect, et une coloration de l'amour qui est un plan au-delà du plan supramental qu'on appelle souvent plan bouddhique, coloration extrêmement débile qui fait que l'humain se bat au nom de l'amour, totalement absurde, inutile et idiot. L'être humain a vécu avec ces deux colorations. Présentement, l'humain touche de l'intelligence supramentale, et lorsque Adolf Hitler a touché, lorsque le nazisme est né, suite à une intervention supramentale, et on va revoir un peu la semaine prochaine pourquoi et quelle incidence ça va avoir, et que ça l'a même présentement au niveau du contrôle monétaire planétaire, lorsque cela s'est fait, il n'y avait pas suffisamment d'amour dans le nazisme pour que la chevalerie qui a été engendrée soit une chevalerie capable de préserver la justice, la veuve et l'orphelin. Préserver la justice, c'est de l'intelligence. La veuve et l'orphelin, c'est planétariser de l'amour. Ils ne pouvaient préserver la veuve et l'orphelin, et ils n'ont préservé que la justice. Une justice totalement planétaire, qui fait que votre race, elle est... ta génétique n'est pas bonne, je te tue. Tu vas te réincarner dans un corps qu'on va fabriquer. C'est totalement juste, intelligent et parfait. Mais ça ne prend pas en considération l'humain. Puis les autres chevaliers, ils faisaient les Templiers, l'ordre de la Table ronde, eux. Les Templiers, eux, n'avaient pas suffisamment d'intelligence. Alors, ils sont tous morts simplement pour ne pas tuer un pape fou. Est-ce qu'ils sont morts avant les chevaliers de la Table ronde ou après? Ils sont morts avant. OK. Et après. Mais les Templiers, ben c'est parce que c'est perpétuel, mais je veux dire, le début de l'ordre des Templiers, ça a commencé. Lequel des deux a commencé avant lequel? C'est compliqué à dire. Pourquoi? Parce que la Table ronde existe en Angleterre, mais il n'y a rien qui prouve que les chevaliers de la Table ronde ont existé. On sait qu'il y a eu une chevalerie autour de la Table ronde dirigée par un roi. Le roi en a une idée, mais Arthur, c'est une légende. Lancelot du Lac a possiblement existé. Excalibur, ça, c'est une légende. La quête du Graal, elle a animé longtemps des traditions et des légendes où on retrouve dans ces légendes du vrai. Un peu comme la ville de Troie, qui a été contée par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est un roman. Mais on a trouvé la ville de Troie. Est-ce qu'on a trouvé les îles avec les cyclopes, l'Atlantide? Non. On a trouvé la ville avec la ville de Troyes. Est-ce que c'est la même chose pour les Templiers? Est-ce que ça s'est passé dans différents mondes parallèles en même temps. Donc, il y a du planétaire et d'un peu moins planétaire. Mais alors, parallèle... quand tu parles des dates, on suit là-dedans, on peut jouer beaucoup. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est s'il y en a un qui a créé l'autre. Non. Est-ce que les Templiers ont donné les chevaliers de la Table ronde ou l'inverse? Non. Ou c'était complètement totalement séparé, parallèle? Deux faisceaux d'énergie totalement différents. OK, ils ne sont pas rattachés au même faisceau. Est-ce que Lancelot est arrivé là, lui, puis il a réuni les chevaliers qui étaient Lancelot noirs? Lancelot a réussi. Lancelot était le principe d'amour qui manquait énormément au reste de la Table ronde, c'est-à-dire aux chevaliers d'Arthur, qui, eux, n'étaient animés que par de l'intelligence et de l'orgueil humain. Mais Lancelot en est mort de l'amour, je veux dire. Oui, Lancelot, d'avoir trompé son ami. Lancelot est mort de l'amour parce qu'il n'avait pas suffisamment d'intelligence. Et les chevaliers de la Table ronde sont tous morts parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'amour. Par contre, l'union s'est faite quand le blanc est venu toucher les noirs. C'est fait comme ça. C'est intéressant. Dans ce qui se fait présentement, il y a toujours le même maudit principe, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où, au fur et à mesure de la connaissance de l'histoire, Nous finissons par vivre par personnes interposées, suffisamment de facteurs de vie que l'humain finit par considérer ces facteurs de vie uniquement comme des histoires. Exactement comme vous regardez à la télévision des films, et à un moment donné, vous ne considérez plus que ça serait plaisant, énergisant ou utile de vivre telle ou telle ou telle chose. Comme si on les avait déjà tellement vécues qu'on n'a plus le goût de les vivre. Lentement, l'humain n'a plus le goût de voyager, l'humain n'a plus le goût de lutter, l'humain n'a plus le goût d'explorer. L'humain ne peut plus vivre convenablement ce que c'est qu'une chose. Il en vit trop. Parce que tu peux le vivre autrement en regardant une vidéo. Là. Tu peux avoir une idée. Exactement comme si je vous montre pendant un an des sauts en parachute, vous n'aurez plus le goût de sauter en parachute. Si vous voyez la caméra attachée après le parachutiste, etc., bien, à un moment donné, je vais vous dire, est-ce qu'on va s'inscrire à un cours en parachute? Tente pas. Par contre, là, tu le vois une seule fois que ça existe, tu peux avoir peur, mais déjà au moins tu vis quelque chose, ça peut te tenter. Le deltaplane, dans le début, il y en a plusieurs qui se garochaient pour y aller. Plus on va le montrer, moins ça va tenter. Et surtout les jeunes. Les jeunes ont de plus en plus perdu ce goût de vivre. Parce qu'apparemment, ils ont déjà tout vécu. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant. Dernièrement, j'ai regardé un film en noir et blanc, mais quand même, avec, regarder Voyage au fond des mers. C'est supposé passer en 1986. Et puis, on voit les monstres, on voit les bébites, les interrupteurs à cadran, puis les chiffres qui tournent encore de même, puisque le digital n'existait pas quand ils ont fait les films. Et quand on regarde ça, on se demande comment on a pu faire quand on était jeune pour s'asseoir devant le petit écran puis vraiment vivre ça. La guerre des étoiles, il faut qu'ils se forcent, ils veulent nous ramasser. À la longue, l'humain expérimente tellement qu'il ne croit plus à rien. Mais croire, ce n'est pas ça, c'est qu'il ne vibre plus à rien. Une chevalerie, qu'est-ce que c'est? J'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes enfants Teflon qui présentement sont des adultes et qui, dans leur jeunesse, rêvaient d'une chevalerie. Chevalier bleu, chevalier ceci, chevalier cela. Ils avaient des symboles, ils avaient un code, ils avaient, bon, plusieurs choses. La chevalerie, c'est quelque chose qui tend régulièrement à s'implanter, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires d'ordre de chevalerie. Et la chevalerie, une chevalerie planétaire, ça a existé de temps en temps, ça a existé jusqu'à date 5 fois à l'échelle de la planète, peut-être la 6e. Elle descend et elle a besoin d'enfants. Lentement, les jeunes ont besoin de vivre cette chevalerie, inconsciemment, secrète, chevalièrement, mais n'ont pas de structure extérieure ou d'éducation permettant de concevoir que ton besoin de violence, de guerre, ton besoin de bouger peut être mis au service. Mais là, l'humain va dire au service, c'est comme encore une fois être esclave. Non, je prends des termes qui peuvent être compris par un enfant qui vibre, quelque chose du genre, mis au service de lui-même et de l'intelligence. Donc, de l'énergie, ça dépend de l'éducation qu'il a, mais on peut paramétrer. Sinon, l'enfant, qu'est-ce qu'il se fait? Il rentre dans des motards, c'est une chevalerie. Les hors-classes, c'est une chevalerie. Totalement noir, mais c'est une chevalerie. Ils ont un code d'honneur, ils ont un code d'éthique, ils ont des montures. C'est une chevalerie. C'est un clan aussi. Un clan, est-ce que c'est normalement une chevalerie? Tous les clans sont des chevaleries, ça dépend de l'ampleur. Parce que les Écossais, c'était des familles, mais c'était une chevalerie. Ils avaient leur nom, leur façon de parler, leur façon de se battre, ils avaient leurs écussons, leurs épées. Bon, eux, c'est la même chose. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'on se regarde les motards, c'est un peu comme à l'époque de l'Angleterre, ce sont tous des chevaliers du même clan, mais qui se battent pour différents princes. Mais c'est la même chose. Les hors la loi, c'est Robin des Bois, ben c'est une chevalerie. Les Hells Angels, les anges du mal, les anges de l'enfer, c'est une chevalerie aussi, mais finalement, ils sont du même côté. Est-ce que pour les enfants, aujourd'hui, la chevalerie, ce ne serait pas plutôt les Jedi qu'on voit dans les films de science-fiction? Et les forces militaires, c'est la force, oui. Non. Parce qu'il y a le développement là, de tous les phénomènes. On parle du point de vue pratique. Toutes les gangs sont l'expression du besoin de chevalerie. Qu'est-ce que le scoutisme, sinon une chevalerie pour enfants? Évidemment, les forces militaires, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu vibrerais si tu regardes les forces militaires? Évidemment, l'équipement. Mais l'équipement, c'est la monture, c'est-à-dire l'expansion du pouvoir de l'homme. Toi, possiblement que tu ne voudrais pas aller te battre. Mais si je te fournis un entraînement, un hélicoptère à deux ailes, deux pales... deux rotors horizontales, donc de poids de groupe, pour aller chercher des individus dans un tremblement de terre perdu quelque part. Ça t'animerait sans doute. Probablement. Ouais. Mais c'est quoi? C'est la chevalerie. Mais aller tuer d'autres personnages, là, ça t'anime peut-être beaucoup moins. Il faudrait que tu sois un maudit, puis qu'il agresse l'intelligence en tabarnouche. L'humain vit ce genre de choses. Ça dynamise, mais on ne conçoit plus le mélange. Dans les forces militaires, on a encore évidemment cette idée de valeur. Mais elle est très archaïque. Est-ce que c'est parce qu'on paye les soldats maintenant? Non. Lorsqu'on invente une force militaire, on invente une chevalerie. Lorsqu'on invente une force militaire, nécessairement, toutes les conditions spirituelles, émotives et l'évolution qui sont mises avec sont adaptées. Lorsque la force militaire n'a pas été anéantie, lorsque le pays n'a pas été détruit, prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique ou le Canada, la force militaire, elle va persister pendant 40, 50, 60, 70, 80 années. Alors, la tradition qui avait prévalu à sa création, c'est encore elle qui dirige maintenant. Donc, nécessairement, l'individu qui rentre là-dedans doit se perdre un peu pour finir par jouer certains jeux. Parce qu'il y a différentes façons de mettre de la discipline. Tout peut être changé avec la même idée. Les jeunes ont besoin de gangs. Les jeunes se tiennent en groupe. C'est un collectivisme. Et la chevalerie, c'est collectiviste, celui qui n'a pas suffisamment d'intelligence. Et sinon, les chevaliers sont des chevaliers totalement libres de bouger, qui sont assujettis, non, mais qui vont s'allier, qui vont avoir créé une alliance entre eux pour que lorsque un tel a besoin de plus d'individus, les autres vont y aller. C'est simplement comme si on se tient... C'est une coopération. C'est évidemment. Alors, j'ai besoin d'argent, tu m'en prêtes. Quand t'en as besoin, je t'en prête. Si t'en perds, on s'en fout. Si je le perds, on s'en fout. Parce que, normalement, on se connaît suffisamment que je ne peux pas considérer que si tu la perds, c'était parce que j'ai mal agi. Tu es manipulé et suffisamment intelligent, les manipuler sur le même niveau. Si t'en perds, on l'aurait perdu, je m'en fous. Un ordre de chevalerie apparaît lorsque des individus vont comprendre plusieurs choses. Comprendre, premièrement, le besoin fondamental de préserver l'intégrité de l'humain, sa conscience, sa vie. L'expression de la chevalerie lorsqu'elle tend à descendre dans une nation, ça va être normalement par la reconnaissance de droits fondamentaux du peuple. Présentement, on a depuis quelques années la Charte des droits et libertés. Sauf que la Charte des droits et libertés ne s'adresse pas à un ordre de chevalerie, elle s'adresse à un peuple. Il y a une problématique, tous les imbéciles, tous les profiteurs profitent alors que les autres se font profiter. La Charte des droits et libertés est ce qui peut engendrer des guerres civiles. Pour attirer des réincarnations de chevaliers, il faudrait que ça soit non inéquitable pour les... Il faudrait que ça soit équitable pour tout le monde. Il aurait fallu que cette Charte des droits et libertés ne soit pas régie par les lois qui existaient déjà, mais soit régie par un ordre de chevalerie, comme ça se faisait dans le passé. Où à un moment donné, chaque chevalier, comme un policier, mais chaque chevalier avait le droit de décider de la justice. Mais étant donné qu'il n'avait pas suivi un entraînement pour décider de la justice, c'était inhérent chez lui, c'était évident chez lui... Alors, il pouvait appliquer une justice. La chevalerie planétaire qui est en train de s'instaurer est quelque chose qui se forme un peu partout sur la planète. Les individus ne se connaissent pas. Il y a énormément d'êtres humains qui sont seuls et qui vibrent quelque chose. Mais évidemment, l'humain a tellement joué, tellement vu, qu'il n'arrive plus à ramasser les parties d'un tout, pensant que ça ne fait partie que d'un jeu. L'être humain a besoin d'une chevalerie. Quelle que soit l'envergure d'une planète, elle a besoin d'un système de défense. D'un système de défense contre des agressions extérieures, d'un système de défense contre des agressions même de la planète. On parle donc d'un système de préservation de la vie, donc d'un système de secourisme. Elle a besoin d'un système où tu as la capacité d'appliquer dans la compréhension des mécaniques d'évolution. Et ça, il n'y a que des ordres initiatiques et normalement des ordres de chevalerie qui peuvent permettre facilement à un être humain d'être éduqué, de comprendre l'intelligence d'un contexte social, de comprendre l'intelligence de risquer, sinon de donner sa vie en vue de quelque chose qui te vibre. Tu donnes la vie de ton corps physique, quand tu reviens dedans, on s'en fout. Mais là, ce n'est plus pareil. Tu ne donnes pas ta vie uniquement pour sauver quelqu'un. Cela fait partie d'un processus qui garantit ta réincarnation dans le cadre que tu as créé. Tu donnes ta vie pour l'améliorer, puis quand tu reviens dans un cadre qui est amélioré. C'est un échange de services? Tout à l'heure, on parlait du scoutisme. Le scoutisme, c'est une chevalerie pour jeunes. Mais évidemment, quand Baden-Powell l'a amené, c'était une extension du service militaire, parce qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, les jeunes allaient tous se faire tuer, alors il les entraînait. Lentement, il a décidé d'en faire une chevalerie sociale. Mais encore une fois, parce qu'à l'époque, la religion s'en est mêlée énormément, ce qui était exceptionnellement bon. Pourquoi? Parce que c'est les paroisses qui mènent maintenant le scoutisme, et c'est ça qui permettait d'orchestrer le scoutisme. Progressivement, vu que les gens abandonnent lentement les religions, le scoutisme devient une affaire pour tapette, pour Moumoun. Alors que c'est totalement faux. Évidemment, il y a toujours des troupes de scouts qui sont un peu, disons, à salon, mais il y en a d'autres qui sont pas mal plus intéressants. L'humain, bon, dans une société, on va dans une école. Une école n'a pas de caractère initiatique. Le jeune qui va là et ne vit pas. Un facteur initiatique, c'est lorsque on vibre tellement un point de vue dans la vie qu'on a le goût de le vivre. Lorsque moi, j'ai travaillé avec des scouts, à un moment donné, on a fait des totémisations, c'est-à-dire qu'on donnait des noms à des jeunes. Et ces noms-là, le jeune, on prenait des noms d'animaux, comme les Indiens. D'ailleurs, on avait rencontré le chef de Kanawagé, avec expliquant un paquet d'affaires aux jeunes, il était venu tout déguiser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un déguisement, c'est plus un habit. Ouais. Et les jeunes, bon, on avait appris. Moi, j'ai expliqué d'autres choses que les Indiens ne savaient pas. Pas quand les Indiens étaient là. Pas les frustrés. Quand les Indiens étaient pas là. Et les jeunes étaient totémisés, c'est-à-dire que les jeunes devaient vivre différentes initiations qui demandent, on va dire, le caractère physique. Non, mais passer dans un tunnel que tu as creusé, il y en a qui sont claustrophobes un peu, mais c'est un contrôle. C'est pas une question d'être meilleur qu'autrui. C'est-à-dire, la compétition, tu l'élimines totalement dans des phénomènes d'initiation. Et quand c'est fini, ben, on connaît tellement le jeune, après avoir fait plusieurs camps, on lui donne un nom. Et c'est le nom d'un animal qui a des vertus qui lui manquent. Et lui, ce qu'il a à faire comme travail, c'est de devenir cela. Parce que tu ne donnes pas initiatiquement le nom de ce qu'il est, tu lui donnes le nom de ce qu'il pourrait rechercher à être. Mais là, le fait de le baptiser de cette façon-là, ça ne va pas y attirer de l'incarnation de cet animal-là? De l'animal, non, mais de... Ça permet d'attirer les qualités des humains qui, à un moment donné, ont vécu ces qualités-là. Lentement, l'enfant va cheminer là-dedans et l'enfant vient à tes réunions de scouts. Puis quand tu fais des tatamisations dans le bois, même s'il doit payer, faire du pouce, il se démerde. Le jeune vient. Et on a des jeunes là-dedans qui étaient délinquants. On a des jeunes qui sont problématiques à peu près partout. Mais là, oh non! Et puis ce jeune-là plonger dans une rivière pour aller chercher un autre, aucun problème. Mais ça, c'est un camp de scouts spécial. Oui. Est-ce que ça existe une chevalerie planétaire actuellement pour les jeunes et les moins jeunes, ou si c'est la même, ou s'il y en a des différentes, ou s'il y en a? Ça existe dans l'astral, ça existe dans le mental, ça existe dans le supramental, c'est en train d'être vitalisé, donc ça est en train de naître dans le vital. Ça prend forme. Et ça va apparaître dans le matériel. Est-ce que les autres, les sectes, comme par exemple la franc-maçonnerie, tantôt on disait que ça en était une chevalerie? Ce n'est pas une secte, c'est un ordre. C'est l'ordre. Initiatique. Ça en était une? Et ça en est encore une chevalerie? C'est ça existe toujours encore? Une chevalerie, sauf qu'une fois encore, c'est qu'il y a évidemment des cellules de la franc-maçonnerie qui vont adapter l'événement actuel à ce qui s'est passé dans le passé, mais il est grand temps que toute cette structure du passé soit annihilée pour être remplacée par une mécanique initiatique, donc une chevalerie neuve, totalement adaptée à la compréhension des humains de ce qu'ils ont de la réalité du monde, à la science actuelle et nécessairement à la descente de l'intelligence supramentale dans le temps présent. La chevalerie dont tu parles depuis le début, c'est une chevalerie qui se met en forme physiquement, qui fait des exercices. Tout chevalier devait être en forme, non. J'imagine? Tout ou chevalier, si c'est mental, l'exercice? Non. Tout chevalier et quand on parle de chevalerie actuelle, c'est l'une des rares chevaleries qui inclut la femme et l'enfant. Il n'y a plus de veuves et d'orphelins. Parce que la femme peut maintenant dominer son système endocrinien, alors au lieu de crier « Oh! » quand elle se fait attaquer, c'est l'autre qui va crier. Elle est capable. Le jeune, c'est la même chose. Cette chevalerie, donc, c'est une chevalerie planétaire, en ce sens qu'elle n'est pas une chevalerie mâle ou uniquement femelle. Il y a eu des ordres femelles, mais c'est un peu comme dans les arts martiaux. En karaté, les gars, ils font des combats, puis les femmes, ils font des kata. C'est très intéressant. Puis bien souvent, on a la ceinture marron et la ceinture noire. Pour les femmes, il y a la ceinture marron, il y a une autre couleur de la ceinture, et après la noire. C'est un an de plus, les femmes. Bon, ça change. Cette chevalerie, elle naît, elle est en train de se matérialiser, elle va réunir de plus en plus d'individus, les individus qui ont un physique pour s'entraîner vont travailler pour s'entraîner. Au combat, oui. Mais pour se battre, non. Pour aller chercher dans l'expérience de la pratique du combat, tous les mémoires réincarnatives de ceux qui deviennent, et ceux qui ont été l'élite, des fonceurs. Alors, tu dois annihiler l'ego, reprogrammer l'ego de façon à ce que tu as à passer, tu passes. Fonceur physique ou fonceur dans fonceur, tous les sens? Fonceur, non, intelligent, parce qu'un ordre initiatique, de toute façon, te développe sur tous les points. Mais un individu qui est en chaise roulante, peut-il être un chevalier? Dans le passé, non. D'ailleurs, il n'y a pas de chaise roulante. Pas d'un chevalier. Il n'y a pas d'infirme, mais tu es. Ben, il y en avait, mais il se prenait une caisse de bois. Bon. Mais aujourd'hui, une personne que les autres disent handicapée parce qu'elle n'est pas comme lui peut tout aussi bien contrôler un système militaire, un système scolaire, des entreprises. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas uniquement du point de vue physique, mais tu as un physique, sers-toi-en, il servira. Tu as de l'énergie vitale, sers-toi-en, elle servira. Tu as de la puissance astrale pour contrôler, sers-toi-en, ça sera utile, développe. Tu as une puissance mentale, ça servira. Tu as un contact supramental, ça servira. Donc, ce ne sera pas deux chevaleries différentes, ce sera une chevalerie qui est sans sexe, sans égard au physique. Tu peux mesurer 4 pieds 11 et être un chevalier, alors qu'avant, ça ne se pouvait pas. Non, avant 4 pieds 11, déjà que l'épée pesait 50 à 80 livres, parce que la technique, plutôt une épée était pesante, puis à cause ça, c'est plus des autres. Mais est-ce que la prochaine chevalerie servira au combat ou servira à d'autres formes de combat? Bon, l'humain qui, présentement, écoute la conférence, qu'il soit ici dans la salle ou qu'il n'y soit pas, bien souvent, ne peut pas concevoir de se battre un jour. Premièrement, il ne sait pas ce que l'avenir réserve. Deuxièmement, il ne sait pas non plus que l'animal humain s'est toujours battu. Donc, à un moment donné, il se battra encore. C'est pas fini. Par contre, il aura besoin d'une condition physique pour se battre contre quoi? Une personne qui sait se battre se battra aussi contre une panne d'automobile en pleine tempête de neige perdue quelque part dans une campagne. C'est un guerrier. Une personne qui est prise dans un incendie, un guerrier s'en sort vivant. Il ne reste pas pris dans un garde-robe, dans un placard, en dessous d'un lit ou quelque part. Il y en a un dernièrement qui s'est jeté d'un deuxième étage puis qui s'est brisé tout ce qu'il y avait comme os rendu en bas. Il y en a un chevalier qui descend en se tenant par les briques. S'il manque son coup, il glisse, casse la gueule, mais au minimum, il essaye. C'est un guerrier. Donc, c'est plus de l'initiative d'être chevalier. C'est, tu réincarnes suffisamment de structures énergétiques pour devenir un être humain, mais très efficace. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chevalier? Un chevalier, c'est celui qui surprend, qui surmonte sa peur. Un chevalier nouveau n'a pas peur. Mais à un moment donné, il y a des murs dans ta maison qui se mettent à trembler. Un guerrier n'aura pas peur. Il va étudier. Il va même se servir de certaines forces pour calmer des choses. Si c'est biologique, matériel, il aura de toute façon des connaissances scientifiques. Donc, c'est pas d'être brave. Non. Être brave, c'est être en phase d'initiation. Quand tu as digéré la peur totalement, tu n'es plus brave. Un vrai chevalier n'est pas méritoire. Son épée travaille tout seul. Pas lui qui se bat. Mais pour parvenir à mériter une épée qui se bat tout seul, il a fallu qu'il apprenne à contrôler son corps physique. Donc, celui qui devient chevalier n'est pas un individu qui est un athlète olympique. Mais l'athlète olympique est bienvenu. Mais c'est pas parce que tu es athlète olympique que tu vas être chevalier. Ah, oh, ben alors non. Ça fait partie de l'attitude mentale, de ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. La majorité des enfants sont prêts à être instruits pour être des chevaliers. Tu prends la majorité des écoles, tu les transformes en ordre de chevalerie. Chaque école a son emblème. On organise une chose différente. Si on aurait pris les écoles élémentaires, il y a de cela 15 ans, puis on aurait décidé que c'est le scoutisme qui va prévaloir dans la structure pédagogique. Et au travers du scoutisme, on va enseigner le français, et on comprendra pourquoi l'utilité de bien communiquer. On va enseigner les mathématiques, parce qu'un scout, nécessairement, c'est que... On n'aurait jamais eu les problèmes pédagogiques qu'on a connus au travers les dernières années. Puis on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Même si le scoutisme, ce n'est pas le summum de notre chevalerie, parce qu'il est trop teinté de phénomènes théologiques. Mais si on donne à la jeunesse, on pourrait donner ça à n'importe qui. Le japonais fonctionne tellement dans les entreprises. Encore une fois, c'est une chevalerie qui est maintenant très, très ternie. C'est l'idée du samouraï. Mais ils ont une fierté. Ils ont... Bon, ça s'allie dessus. C'est des chevaliers d'affaires. Mais c'est des chevaliers d'affaires. Et c'est pourquoi, après une explosion nucléaire, après un pays totalement anéanti, en quelques années, ils vont planter financièrement le pays qui les a battus. Et ce sont des chevaliers d'affaires. un chevalier travaille, non pas dans tous les domaines, mais connaît bien des domaines, et un ordre de chevalerie travaille dans tous les domaines, mais pas dans le but de supplanter les Américains, de devenir Américain, c'est l'idéal japonais, ou de d'être un bon petit scout. Mais là, avec l'exemple des Japonais, eux ont supplanté les Américains financièrement, pas physiquement. Est-ce que les prochains chevaliers devront être forts financièrement ou physiquement ou intellectuellement ou autrement? Comment? La prochaine chevalerie, ce qu'elle va faire, c'est que elle sera forte matériellement, elle sera forte financièrement. Quand je dis forte, très forte. Comme les Templiers l'étaient. Matériellement, financièrement, scientifiquement et intelligemment. Est-ce que ceux qui en feront partie seront tous riches? Mais on s'en fout. Mais il y aura besoin d'un ordre, d'un clan. Pour ramasser ces fonds-là, si c'est un clan comme les Templiers l'étaient, les Templiers sont devenus riches, je ne vais pas dire que chacun des Templiers était riche, je suis d'accord. Est-ce que la prochaine chevalerie planétaire sera un ordre international du style des Templiers, aussi vaste, aussi gros? Bon, les Templiers n'étaient pas international, mais international. À l'époque, c'était considéré comme... Les nations et frontières bougeaient de semaine en semaine. Donc, c'était international un jour. Donc, c'était grand, international ou en tout cas vaste. Oui, j'ai compris. La prochaine ordre de chevalerie sera de toute façon internationale. Elle va débuter surtout dans le contexte nord-planétaire, surtout dans le contexte américain. Quand je parle américain, je parle de l'Amérique du Nord, donc cela inclut le Canada, le Québec et les États-Unis d'Amérique. L'ordre de la chevalerie est une solution qui va être de plus en plus concevable et applicable dans la majorité des problèmes sociaux, sans nécessairement... parce que l'humain a toujours des problèmes. L'humain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Si t'appelles ça chevalerie, j'achète pas. Si t'appelles ça glou-glou, j'achète. » C'est la même maudite affaire. Alors, à un moment donné, il y a un temps d'adaptation où des mots, de nouveaux mots, des mots qui ne sont pas trop colorés, des mots qui vont se vendre, des mots... On appelle ça une mise en marché de la chevalerie. Doit se faire. Ça va se faire graduellement, c'est commencé dans l'énergie vitale, c'est là. C'est-à-dire que ça vibre, ça fait mal à énormément d'humains. Dans quel sens ça fait mal? Ça fait mal, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui n'existe pas. Elle serait là, ils rentreraient. Ils attendent après leur demeure, leur maison. Et présentement, bon, il y a énormément de jeunes qui en souffrent. Tout est stupide, tout est con, tout est farfelu, tout est... Il manque... une raison, un leitmotiv, il manque, et le leitmotiv ou la raison de vivre, de penser, de continuer, de foncer, de se battre, de lutter, doit être intelligente, alors que dans l'Antiquité, elle était intelligemment adaptée. Elle était spirituelle, elle était émotive, elle était divine, elle était morale, la justice, la paix, l'ordre de la chevalerie, là, souvent prôné. Présentement, il manque, dans le contexte planétaire, dans le contexte pédagogique, comme dans le contexte social, même dans le contexte ésotérique. La majorité des êtres humains qui évoluent dans un contexte occulte ou ésotérique, parapsychologique, sont des êtres humains qui, normalement, devraient tous s'associer ensemble. Tous ceux qui enseignent le yoga, tous ceux qui enseignent le tai chi, tous ceux qui enseignent les arts martiaux, tous ceux qui enseignent les soucoupes volantes, tous ceux qui enseignent la méditation, tous ceux qui enseignent tout ce qui, normalement, doit améliorer la condition humaine. Mais ce sont tous des petits peuples qui se battent entre eux. Mon école est meilleure que la tienne, le yoga, c'est bien mieux que le tai chi, c'est bien mieux que le yoga, et c'est bon... Et tous ces humains-là qui font comme s'ils changeaient de, bon, un peu de yoga, un peu de tai chi, un peu de moustache, un peu de camp, un peu de ceci, un peu de cela, d'acheter un livre. À un moment donné, tu t'écartes, tu ne peux rien savoir. Après ça, tu recommences encore avec Rajneesh, avec un autre, et puis bon. La problématique, c'est que toutes ces choses-là sont prêtes à être fusionnées, prêtes à travailler d'une façon beaucoup plus intelligente. Où on peut concevoir que toi, présentement, c'est du yoga que tu as besoin, toi, c'est du tai chi, toi, c'est rien pantoute. L'humain, présentement, conserve le pouvoir. Il lui manque donc un Lancelot, il lui manque un roi Arthur, il lui manque un Excalibur pour que, finalement, ce phénomène soit réuni. Ça, il faut qu'il y ait une direction. Le yoga, tout ce que les humains ont suivi jusqu'à date, c'est supposé mener où? Pas loin. Quand on devient un peu intelligent, on commence à voir vite, ça amène pas loin. Les extraterrestres, bon, prenons l'exemple d'Uranos, prenons l'exemple des Raéliens, l'exemple de Glenn à Montréal, l'exemple d'un paquet d'autres personnages. Ah ben, ils vont venir nous sauver. Et on va faire quoi après? Ça nous mène où? Nous sauver? Est-ce qu'ils vont venir nous sauver comme les Russes ont sauvé les Afghans? Ils sont venus nous sauver. Les Afghans disaient, vous venez nous sauver. D'accord, mais de quoi? Peut-être qu'ils vont venir nous sauver de quoi aussi, on saura pas. Et puis après, ces personnages finissent par... Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les spiritualités, les philosophies, l'ordre rosicrucien, comme les francs-maçons, comme la majorité des mécaniques, essaient de repousser dans l'avenir votre question, à quoi ça va nous mener. Alors, présentement, on doit vivre parce qu'on se fera ramasser par des extraterrestres et on ira dans une planète extraordinaire où là, on pourra voler, traverser les murs. Bon, mais c'est génial. Ton ego peut embarquer, omnibuler ton mental qui se pose la question à quoi ça sert. Et puis là, ben là, ça te tente. Ça te tente en maudit. Un peu comme dans l'Antiquité. Dieu, souffle, mange du chocolat au paradis. Reste au bout. On va faire quoi au paradis? L'humain doit travailler en fonction de trouver une réponse. Il va la trouver, la réponse, elle est là. Regardez ceci. Un jour, vous aviez un vaisseau spatial, on va appeler ça comme ça, parce que l'ego vit dans un corps physique, c'est quand même un contenant. Vous aviez une machine qui vous collait, qui faisait partie intégrale de votre conscience, et qui avait la capacité de sonder par des senseurs, des sondes, tout ce qui existe dans la création, et même au-delà. On parle de la création, pour l'instant. Instantanément, vous aviez accès à toutes les informations possibles dans un déplacement spatio-temporel, un événement, dans la création. Donc, dans les super-univers, dans les univers, dans les galaxies, dans les systèmes solaires, les contextes planétaires. Il n'y a quand même pas beaucoup de planètes. De l'instantané. Vous avez pris un peu de cette information, enregistré ça sur des bandes de mémorielles, pas nécessairement des cassettes, des disquettes, puisque ça évolue, de l'atmosphère, par exemple, et vous avez placé ça sur une planète. Présentement, ce qui arrive, c'est que vous êtes toujours dans votre vaisseau spatial, mais tous vos senseurs ont été déconnectés. La problématique est de savoir par qui et pourquoi. Et plus tard, on en parlera. Et vous n'avez accès qu'à vos données mémorielles. Et le problème, c'est que n'ayant accès qu'à ces données mémorielles, et n'ayant plus les sondeurs qui nous permettent de connaître instantanément la mémoire, on est obligé de repasser toutes les bandes. Connaître. Et repassant ces bandes, on a maintenant développé un corps physique qui nous permet de repasser les bandes et de les codifier chez nous. Ce qui nous permet d'avoir accès à de l'instantané héréditaire. On mange les bandes, là. Oui, et on a accès à de l'instantané héréditaire qui nous permet maintenant de connaître historiquement tout ce qui s'est passé, mais on n'a pas fini de lire les bandes. Et les bandes, l'humain va dire, il m'en reste combien encore à lire? Tanné de manger ça. Oui. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'on est rendu, à une lecture de bandes telle qu'on peut poser la question. Il n'y a pas beaucoup de bandes. D'ici peu, l'humain va atteindre l'intelligence supramentale où il va réintégrer ce vaisseau qui lui permet de tout retrouver. Exactement comme si tu es dans une espèce d'immense tourbillon autour d'un soleil et le vaisseau est totalement pris par des vents solaires, par des parasites. Il n'y a plus rien qui fonctionne. À un moment donné, subitement, pouf, tu te ramasses à l'extérieur de son champ d'attraction ou de manipulation. Et subitement, les cadrans reviennent, tu te rappelles de tout, tu reprends les commandes, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ton départ. Des choses qui devaient se passer et que tu n'aurais pas pu permettre. Je ne veux pas aller trop loin dans le principe, mais très, très, très, très prochainement, il y a beaucoup d'individus, d'aristocrates planétaires, et il y a beaucoup d'humains qui vont vouloir rentrer dans cette chevalerie planétaire. Quand on parle de rentrer, ce n'est pas nécessairement payer une carte de membre, mais qui vont vouloir travailler d'une façon différente dans le but de se préparer. Mais comment c'est possible de faire une chevalerie, justement, de rester indépendant ou individuel, puis d'être en même temps dans un groupe, sans vouloir être dans une secte, sans vouloir être dans un clan, puis en voulant être avec personne, mais avec tout le monde? Parle-en pas à ta belle-mère. C'est elle qui dit que t'es dans une gang, dans un clan, que t'es collectif, que t'es manipulé. Toi, si tu le sais, t'as pas... tu le sais. Est-ce qu'on peut dire que les chevaliers de Colomb, les Kiwanis, les clubs optimistes sont des styles de chevalerie? C'est des ordres de chevalerie. Okay. Les chevaliers de Colomb, pour beaucoup, c'est stupide et con. J'en en fais pas partie. Mais c'est stupide et con. Pour beaucoup d'individus. Pourquoi? Parce que ça fait chevalier de Colomb. Mais c'est quand même un ordre initiatique. Quand tu rentres là-dedans, on va dire « Oui, mais c'est des trucs stupides. » Je vous en parle d'une. Je peux en parler, je ne suis pas chevalier de Colomb. Nous autres, on n'a pas besoin d'en parler. À un moment donné, on te place dans une pièce très close, beaucoup d'individus qui transpirent beaucoup, puis on te laisse là. Et que c'est niaiseux. À un moment donné, il y en a un qui commence à prendre panique. Mais vous savez pas que c'est un chevalier, ça. Lui, il est là simplement pour frustrer, faire peur à tout le monde, puis voir lesquels sont solides. Après ça, ils pourront vous parler de ce que c'est qu'améliorer l'humain. Là, il y en a un qui prend panique. Alors, des fois, il y en a un qui prend panique, pour le vrai aussi. Des fois, un deuxième, mais il y en a un qui veut sortir, qui veut s'arracher les yeux, tout le monde veut le contrôler. Lui, il dit, c'est un acteur, il s'amuse. C'est niaiseux. Mais si les humains savaient tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, premièrement, vos mères ne vous permettraient pas de vous inscrire. Mais il y en a plusieurs qui verraient les chevaliers de Colomb sous un autre angle. Ah, c'est évident que ça l'aide socialement. Un ordre de chevalerie, qu'est-ce que ça fait sinon aider socialement? Les lions, c'est un ordre de chevalerie. Oui, puis parce qu'eux, ils sont, comme tu disais tantôt, ils sont riches. C'est-à-dire, l'ordre est riche, le groupement. Les membres ne le sont pas nécessairement. C'est pas trop considéré comme spirituel ou religieux. Ça l'est un peu, mais pas le club parce optimiste. Parce qu'ils ont l'intelligence de s'impliquer socialement. Est-ce que ça sera une chevalerie de ce style-là plutôt qu'une chevalerie, par exemple, si on va faire des comparaisons avec l'ordre des francs-maçons, est-ce que la prochaine va ressembler plus au chevalier de Colomb qu'au franc-maçon? Elle va sans doute digérer les deux. Ouais. Digérer les deux. Abstraitement et concrètement. C'est-à-dire que les deux disparaîtraient pour devenir une nouvelle chevalerie, qui serait la chevalerie planétaire. Ça va se faire lentement. C'est-à-dire, ce qui va arriver, c'est que lentement, les chevaliers, par exemple, prenons l'exemple d'une chevalerie qui existe, que ce soit les lions, les kiwanis, etc. Ce sont des formes de chevalerie. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont former des gens et les têtes vont rentrer dans l'autre chevalerie. Alors, au lieu de dire, pour faire partie de la chevalerie, vous devez commencer ici et être de tel ou tel niveau, ça va être rentrer dans n'importe quel club social pour commencer. Oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je suis... Bon, c'est un début. Au lieu d'avoir des ordres hiérarchiques à la même chevalerie, ben c'est les têtes de certaines choses qui vont pénétrer. Une personne va dire, oui, mais moi, est-ce qu'il y a des moyens plus rapides? Il y aura toujours des moyens pour celui qui est apte à être à un niveau. Mais cette chevalerie, elle va s'étendre d'une façon sournoise. On en parle ce soir, histoire d'atterrir un peu plus dans le phénomène matériel. Il y a des questions que vous aurez à poser. Je dois quand même finaliser une chose. Ce qui a été dit ce soir a une incidence majeure sur énormément de contextes d'avenir dans les quelques années. Pourquoi? Parce que on parle de vital, mais ce qui est atterri présentement ici, pas parce que je l'ai dit, je ne le savais pas avant de le dire moi non plus, mais je sais présentement, et je le dis pour que dans l'astral, ils le sachent, c'est une solution à énormément de problèmes que certains individus ici ont et cherchent, et c'est une solution à énormément de problèmes planétaires et sociaux. Moi, je me comprends. Je l'ai dit, mais je me comprends. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous l'amenez et on va se... À tantôt, après la pause. Plaisir de les lire.